Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous depuis plusieurs décennies dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord au 418-347-5103. Monsieur Ghislain Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation de Milo en rodéo et invitent la population à participer aux activités. On va parler des Saguenay de Chicoutimi qui ont un entraînement qui débute, qui a débuté depuis hier. On va parler avec nos joueurs d'ici qui sont d'ici et on va parler avec Mikisim Awashish, le joueur de Massouillage, qui est déjà son troisième camp d'entraînement. Donc ça devrait être ça devrait être un camp déterminant pour Mikisim. Salut Mikisim! Mais salut, comment ça va? Ça va bien. Troisième camp d'entraînement, je lisais dans le quotidien ce matin avec Dave Hensley. Comment tu vois ton camp d'entraînement? J'imagine que c'est un camp d'entraînement déterminant pour toi, là. Oui, en effet, c'est mon troisième camp d'entraînement. Étant repêché en 2017, ayant pris part aussi à mon premier camp en 2017, on est déjà rendu là, mon troisième camp d'entraînement. Effectivement, rendu à mon âge, même si je suis jeune encore, tu sais, de mes 18 ans, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à vivre, mais au niveau du hockey, c'est une année déterminante pour moi, en effet. Pour ce qui est du hockey junior, ce qui est mon but, en fait, depuis que je suis tout jeune. C'est vraiment cette année que ça joue, à mon avis. Pour le junior majeur, il y a toujours d'autres portes juniors ailleurs, mais le junior majeur, c'est vraiment cette année que ça joue. Fait que c'est pour ça que oui, c'est une année déterminante pour moi, en fait, dans mon cas. OK. Dis-moi, t'as 3 à 4, il y a 3 à 4 poches chez les Saguenay. Donc, est-ce que Yannick Jean a mentionné que tu avais d'excellentes chances de... Oui, en fait, j'ai rencontré Yannick Jean pas avant le camp, pas directement avant le camp, mais j'ai rencontré Yannick Jean à la fin de la dernière saison, au début de l'été. Okay. C'est ça qu'on a eu. Moi, en fait, c'est moi qui demandais. Ben, je veux pas dire leur juste parce que c'est un peu grossier, je trouve. Je demandais ce qu'en était pour moi, tu sais, c'était quoi la situation, puis la façon, tu sais, que je devais appréhender mon été un peu, mon été d'entraînement. Puis justement, on a eu des, en tout cas, je suis ressorti de là avec de l'information positive dans mon cas. C'est sûr qu'il n'y a rien confirmé, sauf qu'il y a, il y a une place pour moi, il y a un spot que j'aime ça dire. Puis c'est à moi de l'apprendre. Dans le fond, il n'y a juste eu aucune confirmation à savoir si c'est un joueur de l'organisation ou si c'est un joueur que Yannick Jean allait chercher par le marché des échanges ou par les invitations. Ça, je sais pas. C'est sa business, comme on dit. Mais c'est ça, dans le fond, j'ai eu des pourparlers avec lui. Puis justement, il y a une chance, c'est à moi de la prendre. OK. Dis-moi, si jamais tu n'es pas pour faire les Saguenay, est-ce que tu as l'intention de demander une transaction avec Yannick, à Yannick, ou vraiment tu as l'intention de jouer dans le Junior 3 et attendre? C'est sûr que ouais, c'est une question un peu avancée, si on peut le dire. Ouais. Parce que moi, c'est sûr que pour l'instant, je me concentre à me donner le maximum. Parce que moi, okay, idéalement, mon but, ça a toujours été de jouer pour les premièrement junior majeur, après ça, les Saguenay Chicoutimi, qui est l'équipe de mon enfance. Mais éventuellement, j'avais dans le cas, je suis pas fermé, mais rendu là, ça sera à discuter avec Yannick Jean, puis avec moi, en fait. À faire une introspection, ça veut dire, de mes pensées. T'es-tu un style de joueur? Parce qu'on dit tout le temps qu'un joueur offensif, puis c'est bien que t'es un joueur offensif, un joueur offensif doit jouer sur les deux premiers trios pour atteindre la Ligue nationale. Est-ce que toi, t'es capable de jouer sans la rondelle, comme on pourrait dire, là, puis tu pourrais terminer t'acclimater sur un troisième ou un quatrième trio? Oui, exact. Moi, dans le fond, j'ai autrefois, dans mon jeune temps, dans mon plus jeune temps, j'étais un joueur offensif. Okay. Je pense que ça me permet aujourd'hui d'avoir justement cette optique offensive-là, cet aspect offensive-là plutôt dans mon jeu. Mais rendu au niveau de ce que je suis, je pense que c'est plus le côté défensif qui ressort. On dit souvent faire la job sale. Moi, dans mon cas, je reprends je reprends cette expression-là aller à la guerre. Moi, je suis un gars qui se doit d'aller à la guerre. Deuxièmement, mais qui va à la guerre. Je pense que, tu sais, moi, je joue beaucoup pour mes coéquipiers plus que pour moi-même. Okay. Je pense que c'est le genre d'identité que les Saguenay recherchent, premièrement, puis que, deuxièmement, ben, moi, je me dois d'avoir aussi. Okay. OK. Dis-moi, si on parlait un peu de ton été, j'imagine que tu t'es entraîné très fort étant donné que c'est vraiment une été déterminant pour toi, là. Oui, exactement. Moi, en fait, ben, premièrement, je m'entraînais ici à Chicoutimi. Moi, étant natif de Mastoyat, je demeurais à Chicoutimi la semaine. OK. Je m'entraînais chez Gilles Performance, dans le fond, Gilles Robert et Richard Bessereau, qui sont responsables du conditionnement physique pour les 16. Moi, dans le fond, j'étais vraiment avec le préparateur physique des 16 pour optimiser justement ma préparation. Il connaît la game, il connaît ce que Yannick veut, ils connaissent ce qu'il faut. Justement, ça, c'était juste bénéfique à mon entraînement estival. J'étais très bien encore là. Puis personnellement, j'ai mis beaucoup d'efforts. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Puis justement, je pense que je me sentais affronter tout ce qui s'en vient pour moi. Là. Physiquement, est-ce que tu as vraiment. Parce que il me semble que tu n'étais pas un petit joueur. Est-ce que tu as pris de la masse musculaire? J'étais un grand joueur. OK. Il y a 2 ans, c'est sûr, j'étais déjà grand. Et fait, évidemment, j'étais plus jeune, donc j'avais moins de masse musculaire. Masse musculaire, c'est qu'on peut dire, ouais. Mais l'été passé, j'ai pris de la masse. Cet été, encore une fois, j'ai pris de la masse. Là, je suis vraiment rendu grand et gros pour un jeune de mon âge. Ça va aider pas mal. Oui, c'est sûr, ça va aider pas mal. Puis je me suis aussi à ce qu'on me dit. Puis c'est sûr, ça, c'est juste bénéfique. Là. Tant que ça soit du bon pot, c'est bénéfique. OK. Dis-moi, est-ce que tu sens, parce que je parlais avec Hendrix Lapierre, c'est cette semaine, puis Hendrix, je lui disais que les attentes sont très élevées chez les Sags en Final Four. Est-ce que tu sens déjà que c'est une année déterminante pour les Sags et la pression va être là? Est-ce que tu sens déjà dès les premiers jours du camp d'entraînement? Oui, mais en fait, déjà en partant, on a été avisé justement du nombre de vétérans qui revenaient et à quel point le camp allait être relevé. Ça allait être une forte compétition, ce camp-là. Puis justement, on a vu hier soir à la première pratique qu'il y avait beaucoup d'intensité sur la glace. Ce matin, on a joué un match. Ce soir, on en joue en deuxième. Mais ce matin, l'intensité était là, le calibre de jeu était là. Il y a beaucoup de bons joueurs au camp d'entraînement. Les vétérans sont pas encore là. On est seulement entre recrues. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec tous les vétérans, pardon. Puis oui, le calibre de jeu est excellent, puis ça promet pour les Sags pour les deux prochaines années que je le sois là ou non. OK. Donc, ça fait pas mal de tour pour cette semaine, et on va se reparler peut-être durant le camp d'entraînement ou encore vers la saison. Oui, parfait, merci beaucoup. Voilà, des signes de Chicoutimi, Mikusim Awashish, qui est natif de Mastouyash.